Chapitre 3e. La planète homicide. Ces planeurs parurent frôler la dent de pourpre inclinée sur l'abîme. Une ombre orange les enveloppait. Puis ils s'argentèrent au soleil zénital. « Les messagers des terres rouges !» s'écria Mano. Il n'apprenait rien à ses compagnons de route. Aussi bien ses paroles n'étaient qu'un cri d'appel. Les deux escadrilles hâtaient leur marche. Bientôt les masses pâles s'abaissèrent vers les peines émeraudes des hautes sources. Des salutations retentirent, suivies d'un silence. Les cœurs étaient lourds. On n'entendait que le ronflement léger des turbines et le froissement des peines. Tous sentaient la force cruelle de ces déserts, où ils semblaient s'y en maître. À la fin, Targ demanda, d'une voix craintive, « Connaît-on l'importance du désastre ?»« Non, » répondit un pilote au visage bistre, « on ne le connaîtra pas avant de longues heures. On sait seulement que le nombre des morts et des blessés est considérable, et ce ne serait rien, mais on craint la perte de plusieurs sources. » Il pencha la tête avec une calme amertume. « Non seulement la récolte est perdue, mais beaucoup de provisions ont disparu. Toutefois, s'il n'y a pas d'autres secousses, avec l'aide des hautes sources et de la dévastation, nous pourrons vivre pendant quelques années. La race cessera provisoirement de se reproduire et peut-être n'aurons-nous à sacrifier personne. » Un moment encore, les escadrilles volèrent de conserve. Puis le pilote au visage bistre changea la direction. Ceux des terres rouges s'éloignèrent vers le nord, tandis que les neufs montaient vers l'échancrure du mont des ombres. Ils passèrent parmi les pics redoutables, au-dessus des gouffres, et le long d'une pente qui eut jadis été couverte de pâturage. Maintenant les ferromagnétos y multipliaient leur descendance. Ce qui prouve, songea Targ, que ce versant est riche en ruines humaines. De nouveau, ils planèrent sur les vallées et les collines. Vers les deux tiers du jour, ils se trouvaient à 300 kilomètres des terres rouges. « Encore une heure !» s'écria Mano. Targ fouilla l'espace avec son télescope. Il aperçut, indécis encore, l'oasis et la zone écarlate à qui elle avait emprunté son nom. L'esprit d'aventure, engourdi après la rencontre des grands planeurs, se réveilla dans le cœur du jeune homme. Il accéléra la vitesse de sa machine et devança Mano. Des vols d'oiseaux tournoyaient sur la zone rouge. Plusieurs s'avancèrent vers l'escadrille. À 50 kilomètres de l'oasis, ils affluèrent. Leur mélopée confirmait le désastre et prédisait des secousses imminentes. Targ, le cœur serré, écoutait et regardait, sans pouvoir articuler une parole. La terre désertique semblait avoir subi la morsure d'une prodigieuse charrue. À mesure qu'on approchait, l'oasis montra ses maisons effondrées, son enceinte disloquée, les récoltes presque englouties, de misérables fourmis humaines grouillant parmi les décombres. Soudain, une immense clameur déchira l'atmosphère, le vol des oiseaux se brisa étrangement, un effrayant frisson secoua l'étendue. La planète homicide consommait son œuvre. Seul Targ et Arba avaient poussé un cri de pitié et d'horreur. Les autres aviateurs continuaient leur route, avec la tristesse calme des derniers hommes. L'oasis fut là. Elle retentissait de plaintes sinistres. On voyait courir, ramper ou panteler de pitoyables créatures. D'autres demeuraient immobiles, frappés par la mort. Parfois, une tête sanglante semblait sortir du sol. Le spectacle devenait plus hideux à mesure qu'on discernait mieux les épisodes. Les neufs planèrent, incertains. Mais le vol des oiseaux, d'abord enfiévré par l'épouvante, s'harmonisait. Aucune autre secousse n'était prochaine. On pouvait atterrir. Quelques membres du Grand Conseil reçurent les délégués des hautes sources. Leurs paroles furent rares et rapides. Le nouveau désastre exigeant toutes les énergies disponibles, les neufs se mêlèrent aux sauveteurs. Les plaintes parurent d'abord intolérables. Les blessures atroces avaient raison du fatalisme des adultes. Les cris des enfants étaient comme l'âme stridente et sauvage de la douleur. Enfin, les anesthésiques apportèrent leur aide bienfaisante. L'ardente souffrance sombra au fond de l'inconscient. On n'entendait plus que des clameurs éparses, les clameurs de ceux qui gisaient dans la profondeur des ruines. Une de ces clameurs attira Targ. Elle était craintive, non douloureuse. Elle avait un charme énigmatique et frais. Longtemps, le jeune homme ne put la situer. Enfin, il découvrit un creux d'où elle jaillissait, plus nette. Des blocs arrêtaient le veilleur, qu'il se mit à écarter avec prudence. Il lui fallait constamment interrompre le travail devant les menaces sourdes du minéral. Des trouées se formaient, brusques. Des pierres s'éboulaient ou bien on entendait des vibrations suspectes. La plainte s'était tue. La tension nerveuse et la fatigue couvraient de sueur les tempes de Targ. Soudain, tout sembla perdu. Un pan de paroi croulait. Le fouilleur, se sentant à la merci du minéral, baissa la tête et attendit. Un bloc le frôla. Il accepta la destinée, mais le silence et l'immobilité se refirent. Levant les yeux, il vit qu'une grande cavité, presque une caverne, s'était ouverte vers la gauche. Dans la pénombre, une forme humaine était étendue. Le jeune homme enleva péniblement l'épave vivante et sortit des décombres à l'instant où un nouvel éboulement rendait le boyau impraticable. C'était une jeune femme ou une jeune fille, vêtue du moyeu argentin des terres rouges. Avant toute chose, la chevelure émut le sauveteur. Elle était de cette sorte lumineuse que l'atavisme ramenait à peine une fois par siècle chez les filles des hommes. Éclatante comme les métaux précieux, fraîche comme l'eau jaillissant des sources profondes, elle semblait un tissu d'amour, un symbole de la grâce qu'avait parée la femme à travers les âges. Le cœur de Targ se gonfla. Un tumulte héroïque emplissait son crâne. Il entrevit des actions magnanimes et glorieuses qui ne s'accomplissaient plus jamais parmi les derniers hommes, et tandis qu'il admirait la ligne délicate des joues et leur pulpe nacrée, la fleur rouge des lèvres, les yeux s'ouvrirent, qui avaient la couleur des matins quand le soleil est vaste et qu'une haleine douce court sur les solitudes.